écoutez Sous Pression, 60 minutes de punk, ska et hardcore francophone, diffusant à partir du CHUO à Ottawa, le CIVR à Yellowknife, le CFRT à Iqaluit et partout dans le monde à partir du sous-pression-punk.com. Restez à l'écoute. Salut tout le monde, vous êtes à l'écoute de Sous Pression, émission de punk, sky, hardcore, francophone qui diffuse tous les semaines à partir du souspressionpunk.com mais aussi qui joue à la radio à Ottawa, au CHRO, Yellowknife, CVR et Iqaluit, le CFRT, CFRET. Moi c'est Mathieu et bien sûr comme à tous les semaines, comme je vous disais tous les semaines, je vais faire jouer du punk, sky, du hardcore tout en français. On a commencé l'émission avec du Amnésie, un groupe québécois qui, je crois, si je me trompe pas, vu le jour pendant les années 90, cette chanson qu'on écoutait, Regarde ce qui se passe, est tirée de leur EP, il s'appelle Rien de neuf. Alors, on va continuer avec un autre groupe québécois, le groupe Brume Retina, ont sorti un album Agresse Gueule il y a quelques années. Je vais faire jouer le morceau Prends ta place de cet album-là. Alors c'est ça, voici du Brume Retina à sous pression. Let's go! C'était Placard de leur démo de 2000 sorti en 2012, le morceau Placard comme Placard. La crève avança avec plus que de la musique, du fuck tout de leur album éponyme, c'était le morceau Normal dans le néant, du Anomy avec Indifférence également avant ça, et on a commencé avec du Brume Retina, le morceau Prend ta place de leur album Agresse Gueule. Alors je continue la musique maintenant avec un groupe québécois qui a sorti un EP récemment. J'ai fait jouer un de leurs morceaux la semaine passée, c'est l'affaire Pélican, leur EP s'appelle Le Moins Pire. Je vais vous faire jouer le morceau Morphée. Alors voici l'affaire Pélican à Sous Pression. Hey! moine, les nuits d'acier, au royaume des oubliés. D'une parole de réconfort, ni même caresse, ni illusoire, pour un sommeil bien mérité, pour un peu de répit, dans la nuit noire. Je me rappelle, je me souviens, et même que finalement j'y crois, et je bois, et je meurs, un peu plus, à chaque fois. Je me rappelle, je me souviens, et même que finalement j'y crois, et je bois, et je meurs, un peu plus, à chaque fois. Jardin du diable, jamais connu l'enfer et les chaleurs intenses. Le jour où ça viendra, on aimerait être prêt pour aller faire la foire toute l'éternité. Les gens ont des envies qui nous font rester froid, car ils sont tous bloqués, leur job et leur conscience. Nous, nous avons des droits et on n'en profite pas. On préfère truander, on leur pisse au cul. Connaître l'aventure, ça avance à grands pas. Là, ce qui pourrait être la cinquième dimension, passer en parallèle à côté du système et trouver notre bonheur. Plus rien à cause. C'était District avec Déjà Mort de leur album La Mort dans l'Âme. Contingent Anonyme avançant avec Le Diable est avec nous, de cette chanson-là tirée de leur split avec le groupe Torquemada. Mayday avançant avec Si Seulement de leur EP Excepté une fois à Verdun. Du Kroska avec Tôt ou Tard. Et on a commencé le dernier bloc avec l'affaire Pélican de l'album, leur EP plutôt, Le Moins Pire, c'était le morceau Morphée. Alors, si vous écoutez à la radio, c'est le moment de l'émission là, où que je vous rappelle d'aller checker souspressionpunk.com quand vous êtes arrivé chez vous ou sur votre téléphone, je sais pas n'importe quoi là. C'est ça, le site web à partir duquel l'émission est basée. La liste des chansons est là toutes les semaines. Vous pouvez écouter, réécouter et télécharger l'émission à partir du site web. Bien sûr, si vous écoutez à partir du site web et que vous êtes à Ottawa, Yellowknife ou Iqaluit, vous pouvez toujours l'écouter à la radio si... disons vous êtes dans votre voiture un jour, je sais pas, en tout cas, pas important. On a aussi une présence sur Facebook, facebook.com/sous-pression. Alors allez cliquer j'aime si vous êtes sur Facebook et suivez l'émission. Et bien sûr, si vous voulez m'envoyer un message en direct, info@commercialsouspressionpunk.com, info@commercialsouspressionpunk.com. Et c'est ça, là, continuons la musique avec le bloc sono mondial, moment de l'émission où je fais jouer des chansons par des groupes à l'extérieur du monde francophone et du monde anglophone. Cette semaine, je vais faire jouer un groupe de screamo russe, le groupe s'appelle Laura. Je vais faire jouer deux morceaux d'un EP éponyme. Les morceaux, je vais désolé si je vais les mal prononcer, c'est certain. Le premier morceau que je vais faire jouer, c'est Golod. Le deuxième morceau, c'est Gorod. Alors, les deux morceaux, bien sûr, ça se ressemble, puis j'ai sûrement massacré la prononciation. Peu importe, je vais vous la faire jouer, je vous fais jouer ces deux morceaux-là par le groupe russe Laura. Alors, voici Laura à sous-pression. Bye. c'était Laura avec Golod et Gorod. On va continuer avec quelque chose d'un peu plus poppy. Les prostituées de leur split avec Bonne Journée, voici le morceau Éternité. On sait jamais quoi penser quand ça fait une couple d'années, quand on ne sait pas parler, quand on a tout arrêté. On sait jamais quoi penser quand ça fait une couple d'années, quand on ne sait pas parler, quand on a tout arrêté. Même si des fois je me dis que la vie est sans vouloir nous réunir, aujourd'hui je me dis que ce temps-là il est bien fini. C'est bien fini. La vie a continué, on a évolué. La vie a continué, ça dure jamais pour l'éternité. On savait pas que la vie c'est long. À 16 ans on voulait se marier et s'aimer pour l'éternité. Même si des fois je me dis que la vie est sans vouloir nous réunir, aujourd'hui je me dis que ce temps-là il est bien fini. C'est bien fini. La vie a continué, on a évolué. La vie a continué, ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça ne dure jamais pour l'éternité. Ça dure jamais pour l'éternité.

jusqu'à à la ceinture. Les gamins apprennent très tôt à jouer les gros durs. Quand la renommée est parfois chère payée, que faut-il inspirer la crainte ou le respect? Oblige à bien des choses. Comment supporter que quelqu'un s'y oppose? Mais à 15 ans, on veut déjà faire grand sans perdre de temps. Grandir vite peut paraître grisant. Presser la gâchette sans se poser de questions. Plomber le quidam devient la solution. Descendu, que le coup de temps est passé. On regarde autour de soi, mais le mal est fait. La tête entre les mains, pas de retour en arrière. La tête entre les mains, mais le mal est fait. C'était Trouble avec Take It Easy de leur démo sorti en 2015, je crois, une chanson un peu reprise ou inspirée d'une de Camera Silence, le morceau Swing Easy. Dynamic Express avant ça de leur EP éponyme, c'était le morceau Sound System Souvenir. Les partisans de leur plus récent EP, Le Sourire aux Lèvres, c'était le morceau Rouge Baiser. Du Guerrier Poubelle avant ça avec le pour et le contre, du Nanana avec La Route des Affamés, et on a commencé le bloc avec les prostituées et leur morceau Éternité. Alors je vais vous laisser avec un dernier morceau un peu ska reggae du groupe québécois Frambâtard de leur album éponyme. Je vais vous laisser avec le morceau Rude Boy. Passez une excellente semaine, on se retrouve la semaine prochaine et entre-temps, prenez soin de vous. pâtir dans l'autre sadisme en marée. Nous aussi nous sera beau. Ils croient nous les capables qu'aux animaux, éléments emmaillés. Comment un pied de bois avec de l'eau. Qu'on nous pâtir dans l'autre sadisme en marée.